Astizkenoz esperientzia bat. Memoia zer da? Zumaitek pentsatzen balin badiegu memoia ordenagailu baten gija ibilten dela, argazkiak hartzen balin bagunutin bezala, ohitzapenak stokatuik diela leku batetan eta nahi dugun momentian kontsultatzen ahaldutugunak, frogatuik izan da ez dela hala. Bena, gue ohitzapenetan juiten dien aldikal, ara eraikitzen dutugu igandakuak. Gue buian ara jokatzen dugu gue ohitzapena eta hunek kambiamen zumaitek harten ahaldutu gue sinesmen edo ikusteko maneaen abea. Ohitzapenetan juitez ordin, jaikitze prozesu batekin lotua du ordin habo eta hunen froga emanen dugu egunko esperientziaekin. Amerikar ikerlai batena da, Elizabeth Loftus deitzen dena eta jamandu ea jakiteko ea posible den ohitzapen faltsien sartzia jenter. Eta heltu da, sekulan agitu ezten gaiza zumaiten ohitzapenen sortzia jente desberdiner. Adibidez heltu dia jente zumaiter usteaztia bospasei urte zutielaik galduik izan ziela supermerkatu batetan. Leku zehatz eta horzien pertsona zehatz zumaiten izenak emaitez eta jente zumait hasi dia ohitzapen honen ukeiten ordian nahiz eta hasmatuik izan zen. Horrentako, errandu esperimentatiai, hen aiteta maksiela kuntatu hau, zeagitu zen adin hortan eta ondotik galtegitez zertaz ohitzen dien, ebe jenteeko zehastaz zuntzumait emaiten teizkie, sendututien sentimentiak adibidez lotxa galtzegunen esperientzia nigareza iziela eta hen aiteta makarantzaman zielaik izan zien sentimentu positibua. Mila behatzunta lautan hoita hamargaren hamarkadan jamandu esperientzia hoi lehentze eta pertsona bat lauen gainen konbentzitzia heltu da. Ohitzapen faltsu baten sorraztia. Eta hasi dia osoki edo erdizka esperientzia asmatu runtaz ohitzen. Beste esperientzia batetan ikerlaiak hartu die ikertien familia argazki zumait eta montaketa baten bidez mongolfiera ungu baten argazkia sortu die. Familia alboma ikerlaiekin so egitez esperimentatien parte handi bat mongolfieran ungu hortaz ohitu da. Nahiz eta ezten agitu, eta estonagarriena da hainbat zehaztasun emanen dutiela galtestatiek adibidez ze sentsazio bazien altsatzen zielaik. Elizabeth Loftus entzuten dugu gai hortaz. Nous avons donné un nom à ce phénomène. C'est une inflation de l'imagination. Parce que notre recherche a démontré qu'en incitant, par exemple, des gens à imaginer qu'ils étaient tombés quand ils étaient petits et avaient cassé une vitre avec leurs mains, on les amène à être plus confiants et à croire plus tard que cet événement est réellement arrivé. C'est donc à ça que peut aboutir l'imagination. Et lorsqu'on demande plus tard à ces gens s'ils ont cassé une fenêtre, ça résonne en eux comme quelque chose de familier. Ils croient que c'est vraiment arrivé. Mais cette familiarité est due au fait qu'on leur a fait imaginer cet événement en les aidant à construire ce processus imaginaire. Spezimen dokumental batetan, tuz manipule deitzen dena, eseatu die ohitzapen faltsu baten sortzia. Hamar bat jente, jinazi zuten egun batez, gaiza baten grabatzeko, eta hilabete zumait behantago berriz kumintatu ditie ber jentiak trago baten edatea. Hortan, anekdota faltsu bat kuntatzen die. Neskatila gazte bat, horzela hilabete zumait lehenago eta kafia jorrazi zila nurbaiten pantaluen gainen. Helbua zelaik uste aztia neskatila gaztia horzela eta hor ez zelaik. Ohitzapen hunen hobeki sartzeko, taldiaen argazki bat jabili die nun eta gehitu dien neskatila gaztia, montazaje baten ondotik, eta argazki hoik igorri zuten, hilabete huts hoietan, jenter, parte hartzale oher. Arrabili ondotik ordin jente multzua, galtegin die, ea anekdota zumait kuntatzen ahaldutien igandakuaz. Ikusteko ea neskatila gaztia hen ohitzapenetan sartuik izan den, eta huna esperimentatien lekuko tarzun zumait. À la caisse, donc je l'ai juste aperçue, elle était dans la cage à l'entrée, où il y avait les biscuits, où on servait les cafés, hein. Mais après je me rappelle vraiment pas. Eta hau adibidez, ohitzapen bakar bat uken du neskatila gazte hortaz, Luna deituiki izan dena, dokumentalan, eta untxaik kasu egin balin baduzie, bedin ohitzapena da kafiaekin badu lotua. Zentako, sortuz delaik ohitzapen txarra erranda kafia joraz izinan horbaiten gainen. Kafiak errola ukeiten aldi ohitzapen faltsian, bigarren ekukotasun huntan bezala. Alors, Luna, je me souviens plutôt comme une petite fille un peu timide. Je ne l'ai pas personnellement beaucoup côtoyée pendant cette journée-là. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma. Je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Donc, elle a été rejoindre Chloé dans la petite cuisine et à la cafetière. Par la suite, je l'ai personnellement pas beaucoup vue, mais je me souviens d'un moment en fait où elle était un peu recroquevillée vers Chloé, un peu. Donc je l'ai sentie assez timide en fait. Et c'est l'image que j'en ai gardée d'elle. C'était une petite fille visage un peu triste, en tout cas un peu fermée vers la machine à café. Eta ikusten duzi, emazte hau ez da gezuretan aie, be imaginazio nian edo be ohitzapenetan, hoi agitu beita eta azken hunei erraiten zaiolaik Luna neskatila hor ez zela egun hartan eta ohitzapen faltsu bat dela eta hau zela esperientzia behazea rapostu maiten din. J'y crois pas. On l'a inventé de toute pièce, cette petite fille. Et peu à peu, vous êtes arrivé à vous en souvenir. C'est Si c'est vrai, je tombe des nues et je me rends compte à quel point on est manipulé. Là, ça me vexe un petit peu en fin de compte. Si c'est vraiment vrai, je sais plus trop où est la vérité de la fiction. Et je suis impressionnée de voir à quel point on peut croire à une histoire aussi facilement. C'est-à-dire que la manière dont ça a été discuté, qu'on en a reparlé, pour moi, ça avait vraiment eu lieu. Même si je ne l'avais pas vu moi-même, et heureusement que je n'ai pas essayé de faire croire que je l'avais vu moi-même, parce que sinon je me sentirais encore plus mal. Mais c'est comme si vous vous en rappeliez de cette petite fille, ouais, ce jour-là. Complètement, tout à fait. Et j'ai vraiment l'impression... Mais non, elle était là, je suis sûre qu'elle était là. Parce que je la revois vraiment vers la machine à café, donc j'ai vraiment cette image extrêmement présente à l'esprit. Donc j'ai de la peine à imaginer qu'elle puisse ne pas avoir été là ce jour-là. Eta bai, mena zue espiritiak eta hauek bezala edo memoiak egiten dugun bezala ohitzapen eta juiten geraik arraia ikitzen dugu eta gaizaugarri faltsu sumait xarrasten ahal dutugu. Hola dia ordin ohitzapen faltsiak xartzen ahal eta huna froga ebai, gue memoia ez dela hutsik egiten ez dian gaiza bat, bena askia ija manipulatzen ahal dena, gai hunen txakontzeko haholkatzen deiziet Elizabeth Loftu zen mintzaldi desberdinen behatzea interneten aija edieten ahal beitia. Astizkenoz, esperientzia bat.